Bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue en ce Lobster 62.0 que j'enregistre en ce 12 janvier 2020. Ce week-end, on nous avait annoncé du verglas, de la neige et chez moi, ce fut plutôt tranquille. Je pense que la tempête est passée ailleurs, car à l'extérieur chez nous, c'est plutôt tranquille. Donc, cette semaine, de quoi on parle dans le Lobster, je vais vous parler essentiellement de mon nouveau projet. Je me suis acheté une tablette numérique pour faire du dessin. Donc, après la pause, on part un petit peu en musique. Et au retour, je vous parle de cette belle invention qui est la tablette graphique pour dessiner. Donc, je vous souhaite un bon début de Lobster 62.0 et on se reparle après les chansons. Suffer through the world. morte. Par Cristo, Domino nostrum. Nation in despair. One man seeking reasons everywhere. Growing hate and anger. The pure sword is worthless lies. Who was to be blamed and pay the price? Propaganda, turning neighbors into foes. Soldiers of the Third Reich searching homes. And then the former friends are watching as they are round up one by one. Times of persecution's just begun. Ever since it started on Kristallnacht 38, when liberty died and truth was denied. Away on trains, sent on a one-way trip to hell. Enter the gates, Auschwitz awaits. When freedom burns, the final solution. Dreams fade away and all hope turns to dust. When millions learn, the curtain has fallen. Lost to the world. When millions burn. flames. When freedom burns, the final solution. Dreams fade away and all hope turns to dust. When millions burn, the curtain has fallen. Lost through the world as they perish in flames. On vient d'écouter deux bonnes chansons. La première, c'était du Powerwolf avec Night of the Werewolf, suivi de Sabaton avec The Final Solution. Cette semaine, dans ce Lobster 62.0, je peux vous parler de tablettes à dessin. Je travaille présentement sur un nouveau projet artistique. J'écris une bande dessinée, ce qui est pas mal en lien avec mon hobby d'en lire des tonnes. Donc, durant le temps des fêtes, j'ai réfléchi à mon histoire et j'ai commencé à dessiner le tout. J'ai commencé à dessiner le tout au crayon. Et une fois terminé, je scannais la feuille, j'amenais ça dans Photoshop et le travaillais pour avoir une case d'image qui faisait du sens. Mais de faire ça à la main, de scanner et de corriger, c'était un peu à la dure. Un peu la manière old school. Donc j'ai commencé à regarder pour m'acheter une tablette graphique pour dessiner directement en format numérique. Comme j'y connais pas grand-chose, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Spécifiquement, j'ai regardé les explications d'Alex A, celui qui dessine la BD pour jeunes adultes, l'agent Jean. Et là-dedans, il expliquait sa méthode de création d'une BD, et c'est là qu'il expliquait qu'il utilisait une tablette Wacom Cintiq. Bon, quand j'ai regardé les évaluations de cette tablette dont il parlait, tout le monde s'entend pour dire que c'est la meilleure. Mais malheureusement, elle n'est pas au meilleur prix. Une tablette 32 pouces coûte des milliers de dollars. Et c'était pas dans mes moyens. Donc, je me suis rabattu sur une alternative beaucoup moins coûteuse et surtout moins grosse. Donc, je me suis acheté durant les rabais de Jour de l'An une XP Pen Artist Pro 15.6 pouces qui m'a coûté 389 dollars tout inclus. Alors qu'une Wacom Cintiq de la même taille m'aurait coûté pas loin de 900 dollars. Et je dois déjà vous dire que j'ai pas mal de plaisir avec ma XP Pen Artist. En gros, c'est un écran que tu branches sur ton ordi et ça te permet de dessiner directement sur l'écran de cette tablette avec un crayon qui reproduit comme si c'était vrai. Plus tu payes sur le crayon, plus c'est noir et prononcé. Et la surface de la tablette est légèrement rugueuse pour reproduire l'effet du papier. Donc, c'est vraiment merveilleux. Je l'ai branché et ça marchait tout de suite. Tellement que mon plus jeune garçon a joué avec pendant 2 jours avant que je puisse l'essayer. Je vous dirais que le plus compliqué avec une tablette comme ça, c'est d'apprendre Photoshop. Car moi, j'ai décidé de dessiner dans ce logiciel qui permet de faire un peu n'importe quoi. Mais évidemment, ces tablettes, ça se branche avec d'autres logiciels que vous pourriez connaître. Mais moi, j'ai donc décidé d'y aller avec Photoshop. Et j'ai commencé à regarder des tutoriels en ligne et après un gros week-end à jouer avec tout ça, je peux dire que maintenant j'arrive à faire pas mal ce que je désire. Donc j'ai déjà commencé à produire mes premiers dessins pour ma BD et je suis vraiment satisfait du résultat. Évidemment, plus je vais dessiner et apprendre Photoshop, plus ça va être beau, mais j'avance et au pire, je referai des retouches sur mes premiers dessins à mesure que j'en apprends plus dans ce logiciel. Bon, et maintenant, quel est le style et l'histoire de ma BD? Si ça vous intéresse, je vous en dis plus après ces quelques chansons. say, and nothing I feel is right. Even if you wanted to, you couldn't understand. While I'm sitting up here dying, you're just holding out your hand. And even if I wanted to, I couldn't have explained. Cause you don't know the difference between violence and pain. There's no denying it, you never have control. Rammstein avec la chanson Deutschland et une chanson récente de Five Finger Death Punch, la chanson Inside, qui semble être sortie en décembre dernier. Donc, ma BD, mon histoire s'est modifiée depuis le temps des fêtes. En effet, en écoutant les vidéos conseils d'Alexa, il indiquait que c'était mieux d'écrire notre histoire au complet et d'ensuite d'écrire tout le texte avant de se lancer dans le dessin. Donc, pendant les 3 jours où j'attendais la livraison de ma tablette, j'ai fait ce qu'il disait et j'ai bien écrit ma BD. Elle n'est pas écrite exactement jusqu'à la fin, mais disons aux 3/4. Car je me disais, si je n'arrive pas à dessiner, mon projet va mourir assez vite. Mais bref, j'ai l'histoire jusqu'à la fin, mais pas tout le texte des personnages. Mais bref, revenons à l'histoire. L'histoire est simple, elle est un peu basée sur les voyages de Jules Verne, plus spécifiquement sur son livre « Voyage au centre de la Terre ». Les caractéristiques de ma BD, c'est que c'est de l'anthropomorphisme, c'est des animaux qui sont les personnages. Il y a moi et mon frère qui sommes 2 lapins. L'histoire commence où on nous voit au chalet. On parle du fait que les humains sont en train de détruire la planète et on décide donc de venir s'installer au chalet. Et Quelques semaines après, on nous voit en train de se faire un jardin. Et en creusant, mon frère pogne de quoi qui fait gling. Je vous passe tous les détails, mais c'est un coffre qui contient un texte ancien avec une clé. Mais on n'arrive pas à le lire. On va donc voir notre voisin, Fléau, qui est spécialiste des pivoines. Il n'arrive pas à traduire notre texte, mais il se fait aider d'un ami qui lui a déjà traduit des traités de botanique anciens. Et c'est là que le lendemain, on apprend que c'est un texte qui dit « Le trésor est là pour vous aussi et pour l'éternité. Des trésors, il y en a partout, dans toutes les régions, dans toutes les villes et toutes les campagnes. À côté de ceux qui ont été découverts, combien vaille la peine d'être découvert si le plus précieux se trouve entre vos mains? Pour les chercheurs qui viendront après nous, nous vous laissons les clés du septième ciel. D'eau au chenau, l'ermite est la clé pour entrer. Marche des tréfonds du Niphée, de la terre à la mer, de la noirceur suivra la lumière, pour que Jade te guide jusqu'à la fin. Amis, ne prenez la route que si vous l'êtes, amis, et avez le cœur ouvert, ouvert. » Bon, on comprend vite que c'est une énigme, donc je vous donne les clés tout de suite. Les chenaux, c'est les montagnes qui sont derrière notre chalet et où passe notre rivière. L'ermite, c'est une légende durant Pyrénées. Ben, en fait, ce n'est pas une légende. C'est un homme qui aurait habité pendant un temps dans une grotte à environ 30 minutes dans la forêt, pas loin de notre chalet, pour vrai. Et là, les deux frères, moi et mon frère, on va donc aller parler à nos parents, car nous, on ne comprend rien à l'énigme, sauf la portion de l'ermite qui éveille de quoi dans nos mémoires. Et là, notre père va nous raconter l'histoire de l'ermite, et on va donc partir à la recherche d'un de ses anciens amis pour nous guider jusqu'à la grotte, qui est évidemment loin dans la forêt pour le bien de l'histoire. Et cette personne, l'ami, va être le méchant de l'histoire, car oui, il faut toujours un méchant. Bref, l'ermite a disparu depuis longtemps, et on ne sait pas pourquoi. Et le chemin pour se rendre à sa grotte s'est refermé, la forêt ayant repris ses droits. Mais cet ancien ami accepte, lui c'est un hérisson, qui accepte de nous conduire s'il peut venir lui aussi. Il a ses propres raisons de venir. Il y a aussi notre voisin Fléau, le spécialiste des pivoines, qui se joint à nous pour le voyage. En route, on va rencontrer un peuple ancien de la forêt. On voit des ruines et ce peuple. Un peuple au visage de tigre probablement. Et un des jeunes de ce peuple va nous accompagner. Ensuite, rendu à la grotte de l'ermite, on retrouve les mêmes hiéroglyphes du texte. Fléau, lui, a amené la clé de traduction et nous aide à trouver une entrée. Une entrée qui descend au fond de la terre et qui va nous permettre de découvrir un monde ancien qui contient évidemment des créatures anciennes, une mer intérieure qu'on devra traverser pour se retrouver, comme dans l'énigme qui dit « Pour que Jade te guide jusqu'à la fin », qui est une paroi de pierre de jade qui s'effrite et qui tombe dans un ruisseau qui, lui, est rempli de petits fragments de jade et qui, lorsqu'une lueur le frappe, donne une eau de la couleur du jade qui sera notre guide donc jusqu'à la fin. Voilà, j'arrête là pour ne pas vendre le reste de l'histoire. Ce qui est drôle, tantôt, quand j'écrivais le texte dans une des bulles, au lieu d'écrire correctement le mot humain, j'ai écrit humain. Et au lieu de l'effacer, je l'ai laissé. Donc, les humains seront des humains nains. Donc, tous des petits personnages qui ressemblent à des nains un peu lourdeaux. Et il va sûrement en avoir un ou deux qu'on va rencontrer au cours de l'histoire. Donc, sans le vouloir, l'histoire semble vouloir m'inspirer elle-même. Et tout ça, je me souviens que quand j'ai écrit mon premier livre, Le jeu de la reine, ça a été la même chose. J'avais un beau squelette de l'histoire jusqu'à la fin, mais à mesure que j'avançais dans l'écriture et que je connaissais de mieux en mieux mes personnages, les choses se modifiaient pour le mieux. Et voilà. Voilà, c'est donc cela que je suis en train de dessiner. Donc, de retour en musique, et au retour, mes petits sujets. Si la France a ses rillettes, son foie gras, ses crêpes, Suzette, la Belgique a ses gaufrettes et Milan son escalope, Portugal a ses sardines, Toronto sa margarine, l'Espagne a ses mandarines et l'Anglais son mutton chop. Mais nous, on fait exception au diable importation. À part la patate, à part la patate, la patate à part, la patate à part, le ragoût de pâte, le ragoût de pâte, la soupe au pois, qu'est-ce qu'on dévore? Oh, mais la tour, tour, tour, la tourtière, qu'on savoure, vour, vour, tout entière, quand c'est fait, fait, fait, ménagère, fête, fête, fête, fête des tourtières. Je voulais vous parler d'Helix cette semaine. Helix, c'est quoi? La semaine passée, j'annonçais la mort de Super Écran, et sûrement à cause de ça, j'ai reçu un appel de Vidéotron, un de leurs vendeurs qui voulait me vanter leur nouveau service Helix. Donc, j'ai pris le temps de l'écouter. J'étais curieux de savoir c'était quoi, et ça semble aussi bon que Super Écran à l'époque actuelle. En gros, Helix te permet de parler avec ta manette de télévision. Tu peux lui dire « film d'action » et le système va te proposer des films d'action. Mais à part de parler à ma manette de télévision, j'ai demandé au vendeur si ça faisait vraiment de quoi d'intéressant. Et il me dit oui, ça permet de stopper, d'avancer et de reculer dans les émissions. Il me dit ça pour vrai, je lui ai dit que le système actuel le faisait déjà. Donc on est passé à autre chose. Et c'est là qu'il m'a dit « Helix te permet de connecter directement dans Netflix ». Ah bon, donc si je m'abonne à Helix, je vais pouvoir de ma télévision accéder à Netflix. Il dit pas exactement. Il dit oui, mais il faut que tu t'abonnes aussi à Netflix. Je lui ai dit que je branche déjà mon ordinateur sur ma télé avec un câble HDMI et que je peux déjà tout faire ça. Il m'a dit, pour me convaincre, qu'Internet pouvait être plus rapide et plus stable avec Helix. Je lui ai dit que j'avais déjà une connexion très haute vitesse illimitée et que j'avais pas de problème. Donc, n'ayant plus d'arguments, le vendeur m'a souhaité bonne journée. Donc, Vidéotron, il nous arrive avec Helix qui ne semble rien faire d'intéressant. Si vous avez vu leurs annonces, vous devez trouver que c'est assez léger. On écoute l'annonce et à la fin, on se demande, ça nous apporte quoi Helix? Eh bien, c'est léger comme annonce car ça ne semble pas apporter grand-chose à part de parler à ta manière. Je suis quand même allé voir leur site en ligne et j'ai rien trouvé qui mériterait qu'on paye pour ça. Je comprends vraiment pas leur stratégie avec ça. Je pense que c'est juste une nouvelle interface qui vient remplacer l'ancienne et pour un temps, ils essaient de nous la vendre en disant que c'est hot de parler avec la manette. Car rappelez-vous, quand ils ont changé leur enregistreur et interface la dernière fois, c'était la même chose. Ils nous avaient appelé et ils voulaient qu'on change pour la nouvelle chose. Et moi, comme je ne voulais pas payer pour ça, ils me l'ont donné pour un an au départ. Et chaque fois que mon rabais arrivait à échéance, je les rappelais et ils me renouvelaient ça gratuitement. Donc, ça semble encore une affaire inutile qu'on va pouvoir avoir gratuit si on reste avec du service TV. Car moi, j'arrive au bout. J'ai échangé une connexion à Disney Plus contre une à Netflix. Donc là, j'ai accès à Netflix et Disney Plus. Donc, j'ai accès à du contenu à ne plus savoir quoi faire. Donc, l'époque est proche où je vais pouvoir lâcher la télé traditionnelle. Bon, déjà fini pour mes sujets. J'en avais d'autres, mais je dois retourner à ma tablette à dessin. J'en profite durant le week-end pour m'amuser. Les soirs de semaine, je suis un peu plus fatigué. Mais avant de clore et déclore d'une fin, je veux vous parler du jeu Oxygen Not Included, qui a été mon jeu favori des derniers jours. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit jeu où on débarque ton petit bonhomme, un réplicant, sur un astéroïde et tu dois survivre. Pour survivre, tu dois miner les minéraux et avec ça, construire des machines pour extraire de l'eau, produire de l'oxygène et tout le tralala. Tu as des bonus quand tu construis un dortoir pour dormir, une cuisine, un hôpital et plus ça avance, plus tu as de réplicants avec toi. Tu en reçois environ un tous les 3 jours. Et chacun a évidemment un arbre de compétences à lui. Et bien sûr, quand tu les fais travailler sur un super ordinateur, tu débloques un arbre technologique qui te permet d'avoir des nouveaux gadgets que tu dois construire, comme de la tuyauterie qui te permettra d'amener l'eau dans les salles où tu fais pousser des graines. Bref, c'est un beau petit jeu, mais il vous faut la dernière version qui a plein d'améliorations. J'avais joué à ce jeu en 2017 en version pré-lancement et là j'ai téléchargé la version de décembre 2019 et c'est vraiment plus pareil. Nos petits réplicants ne meurent plus de la diarrhée après quelques jours. Il y a eu plein d'améliorations qui permettent de vraiment apprécier le jeu. Donc c'est un jeu qui est disponible pour 28$ sur Steam. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine et on se reparle dans le prochain Lobster. Et si vous avez des demandes spéciales, passez par le site Facebook du Lobster. Donc, bonne semaine! Bon, dès que je pars en retraite, je vous laisse tous mes chevaux. Ça, c'est drôlement gentil. Voilà, j'en ai 2, ils sont à vous. Vous en aviez pas 3? Non, l'autre, j'ai tué sans le faire exprès. Bon, et puis sur les 2, il y a le mien. Alors, je pars avec. Il vous en reste un. Vous y ferez gaffe, hein, il est au moins 25 ans, ce bourrin. Il peut crever d'un jour à l'autre. Ça s'arrête à quel âge, la quête du Graal, normalement? Hein? La quête du Graal, à quel âge ça s'arrête? Comment à quel âge? Mais qu'est-ce que vous me bavez encore? C'est pour savoir, parce qu'il faut que je m'organise. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Allez, vous vous maniez le tronc maintenant. Vous me dites ce que vous voulez et vous faites un effort pour que je panne au moins le sens de votre phrase. Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe ou vous ramassez une tarte. C'est clair ça? Je voudrais savoir à quel âge vous pensez qu'on peut arrêter la quête du Graal, parce que je voudrais prendre ma retraite. Je m'en ramasse une ou pas? Et qu'est-ce que vous appelez votre retraite exactement? Bah le jour où je plie les gaules et je rentre chez moi. Mais, vous allez pas partir comme ça? Ah bah non. C'est un petit buffet quand même. On va boire un canon, on n'est pas des bêtes. Vous vous rendez compte que vous êtes un chevalier de la table ronde? Eh ben. Mais je ne sais pas, moi. Enfin, le code voudrait qu'on meure au combat pour la gloire du Seigneur, par exemple. Bah moi, ça fait 10 ans que je retape ma cabane au Pays de Galles. Maintenant qu'elle tient debout, j'aimerais bien en profiter un peu. Mais enfin, je vais pas vous retenir de force, moi. Si vous voulez vous barrer, faites ce que vous voulez. Mais à quel âge on peut ? Mais c'est pas une question d'âge, arrêtez de me bassiner avec ça. Si vous voulez partir, vous partez, que vous voulez que je vous dise, moi. Mais maintenant ? La table ronde, ça n'a jamais été une obligation. Vous êtes là de votre plein gré, je vous rappelle. Ah bah quand même, quand vous nous avez annoncé le coup d'Adam Bulac, la table, le message et tout, ça avait l'air obligé. C'était vivement recommandé, disons. C'est vrai que ça m'aurait mis de travers qu'on me dise non, mais bon, sur le principe, la table ronde, c'est pas obligatoire. Donc on peut partir quand on veut ? Sur le principe, oui. Sur le principe ? Sur le principe, vous pouvez partir. Non, mais en vrai ? Bah, en vrai, si vous partez, je vous casse la gueule, déjà. Je trouve intolérable d'avoir une chance pareille et puis de vouloir mettre les bouts pour aller bêcher un carré de potager au Pays de Galles. Et puis alors, si vous partez maintenant, je vous raconte pas la réputation de péteux que vous allez vous taper. Pour le moment, je suis pas encore parti. J'ai quand même une réputation de péteux. C'est pas faux. Non, mais j'ai bien senti que c'était le coup dur pour lui. Ah, mettez-vous à sa place, un chevalier qui s'en va... Bah ouais, c'est le prestige qui fout le camp. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé ? À la limite, je peux encore rester sur le Graal pendant quelques années. Et si vous lui disiez que vous voulez bosser que la demi-journée, ça vous libérerait du temps ? Bah non, parce que moi, ça m'intéresse pas. Je veux rentrer au pays, alors... Eh ben, vous négociez des journées libres. 3 jours quête du Graal, 3 jours chez vous. 3 jours quête du Graal, 3 jours chez vous. 3 jours quête du Graal, 3 jours chez vous. 3 jours quête du Graal, 3 jours chez vous. Ah oui, mais il y a le temps du voyage aussi. Je mets 3 jours pour rentrer au Pays de Galles. Eh ben, faites 3 jours quête du Graal, 3 jours de voyage, 3 jours chez vous. 3 jours de voyage, 3 jours quête du Graal, 3 jours de voyage, 3 jours chez vous. 3 jours de voyage, 3 jours quête du Graal. Donc je négocie avec Arthur de travailler 3 jours, tous les 28 jours. Non, mais c'est ça, hein. C'est pas la peine de compter. Il y a aussi une possibilité, c'est que vous preniez du travail à faire chez vous. Non, je crois que je préfère bûcher pendant que je suis là et avoir un vrai temps de repos. Sinon, au bout d'un moment, le corps il dit non. Ou alors vous négociez de partir des réunions de la table ronde plutôt que les autres. Vous croyez que ça va passer, ça ? Ou sinon, ce que vous faites, mi-journée table ronde voyage, 3 jours chez vous, mi-journée chez vous voyage, 3 jours table ronde...